s'enfile dans les tôles, un silence qui grince, les chaînes bougent sans bruit. Tout est prêt. La base d'or. Je veille, mon sac est plein, mon cœur est vide. Rider's Kill entre sans fracas, mais tout va exploser. Chaque pas résonne comme un compte à rebours. Ce n'est pas une visite, c'est une sentence. Le sol est marqué, le silence revient, mais plus jamais comme avant.